Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors la parole ce soir sera essentiellement aux partisans du sortir du nucléaire, qui édite d'ailleurs une brochure plusieurs fois dans l'année et qui parle bien sûr de la manière de sortir du nucléaire, et puis qui s'oppose en particulier au projet Cigéo à Bure, comme chacun sait. Alors pourquoi choisir un peu ce mois d'août pour parler du réseau sortir du nucléaire? Tout simplement parce que ça fait un bon moment que l'on n'a pas parlé, qu'il y avait une tradition à RGM, surtout avec notre ancienne présidente en particulier, de parler justement du nucléaire et comment sortir du nucléaire. Alors je ferai mien d'abord l'éditorial de la revue, qui est écrit par le réseau, bien sûr, par les militants du réseau, qui dit « Soyons prêts. L'édifice nucléaire français vacille. Il faut le pousser pour qu'il tombe et qu'il laisse place à une société libérée du nucléaire, civil et militaire. Face au tournant nécessaire de politique énergétique et de politique nucléaire militaire, les antinucléaires se doivent d'être prêts. Prêts à pousser le gouvernement français à signer le traité d'interdiction des armes nucléaires, traité international approuvé à l'ONU par 122 pays en juillet 2017. C'est le sens de la campagne lancée par le réseau « Sortir du nucléaire » avec d'autres associations nationales. Prêt à s'opposer au démarrage de l'EPR de Flamanville, qui démontre, mois après mois, sa faillite technique et économique. Prêt à manifester leur soutien aux militants qui, s'opposant au projet Cigéo à Bure, font face à une très forte répression qui vise à démanteler l'opposition locale et nationale. Le réseau Sortir du nucléaire est d'ailleurs ciblé au travers de deux de ses administratrices et même de son avocat. Fait rarissime. On voit très bien que la répression continue par rapport aux antinucléaires à Bure. Mais ce n'est pas une surprise. La surprise, c'est que personne n'en parle, sinon le réseau, puis sinon, bien sûr, les ondes d'RGM. Prêt à élargir également au niveau national le débat autour de la question des déchets nucléaires afin de ne pas se laisser enfermer dans la nasse de la répression sur le seul territoire champenois-lorrain. Cela va-t-il se passer pour une énième débat institutionnel potentiellement bidon ou par des débats autogérés? En tout cas, nous ne choisirons pas la couleur des bidons ou des piscines de déchets radioactifs. L'essentiel est d'arrêter d'en produire toujours plus. Prêt à soutenir les travailleurs du nucléaire et plus particulièrement les sous-traitants, principales victimes du grand carnage social que constitue le grand carénage, du rafistolage des vieux réacteurs qu'EDF met en place pour prolonger leur amortissement. Prêt à dénoncer la désinformation des forces nucléaires, tant au niveau des opérateurs capables d'éluder les accidents des centrales devant une commission d'enquête parlementaire, qu'au niveau des lobbies distillant dans les médias et auprès des élus des affirmations dispensieuses. D'autant plus que, quand on parle du réchauffement climatique, certains voient d'un bon œil le développement, le redéveloppement du nucléaire. Prêt à informer sur le déclin mondial du nucléaire. Exemple, tout récemment, l'Argentine vient de renoncer à deux réacteurs nucléaires. Prêt à pousser pour que la programmation pluriannuelle de l'énergie respecte au moins la loi de transition énergétique et de croissance verte. Sa mise en débat ce printemps verra-t-elle enfin un début de programmation de fermeture des vieux réacteurs ou la victoire du lobby pro-nucléaire qui exportera plus d'électricité pour sauver le nucléaire à défaut de commencer une véritable politique nationale d'économie d'énergie? Prêt, individuellement ou collectivement, dans la mesure du possible, à rénover son logement pour parvenir aux normes basse consommation, prêt à relever le défi de faire baisser très significativement sa consommation et donc ses factures énergétiques, en changeant certaines habitudes et en adoptant les éco-gestes au quotidien. Voilà donc cet édito du réseau Sortir du nucléaire, c'est quand même, bon, j'allais dire la profession de foi des militants anti-nucléaires. Mais ce qui se développe beaucoup en ce moment, exactement, c'est la politique de désarmement. Il y a des partisans, bien sûr, du désarmement nucléaire. Et d'autres qui, bien sûr, soufflent sur les braises aujourd'hui, en particulier on voit Donald Trump, mais il n'est pas tout seul, sur la planète, pour réarmer au point de vue nucléaire. Il y a tout un lobby derrière qui, bien entendu, veut en profiter. En 2018, l'agenda de la communauté internationale et l'actualité font de l'élimination des armes nucléaires un enjeu incontournable. La reconfiguration des rapports de force entre nations, l'effritement du leadership américain et la fabrication de nouveaux engins nucléaires augmentent le risque d'emploi et de menaces d'emploi. Plus que jamais, les bouleversements géopolitiques appellent une politique mondiale de désarmement concertée. Alors que le traité d'interdiction des armes nucléaires a fêté le premier anniversaire de son adoption par l'ONU le 7 juillet dernier, le texte qui prévoit l'interdiction d'utiliser, de fabriquer et de stocker des armes nucléaires enregistre lentement des signatures. En mars 2018, 57 États l'avaient officiellement signé et 5 l'avaient ratifié, sur les 122 qui l'avaient approuvé à New York un an plus tôt. C'est peu. C'est peu puisque quand même des personnes s'étaient engagées pour leur nation. Cette frilosité de certains pays, d'abord enthousiastes, s'explique en partie par la pression qu'exerçaient les puissances nucléaires, par le rejet du texte et leur entêtement dans leur programme nucléaire militaire. Celles-ci s'abordent l'initiative des autres pays et les poussent à rétropédaler en préférant se placer hors du droit international plutôt que d'y souscrire. Ce petit groupe dont fait partie la France, et oui, la France n'a pas signé le traité, refuse de jouer le jeu du désarmement concerté et menace la sécurité mondiale. Plus inquiétant, les géants détenteurs d'armes nucléaires n'hésitent plus à s'extraire de l'architecture supranationale légale fabriquée par l'ONU pour s'arroger des licences d'agression au nom d'un nouveau multilatéralisme qui signe le retour de la loi du plus fort, celle des puissants du G7. C'est dans cette atmosphère à la fois porteuse d'inquiétude et d'espoir que les actions du 6 au 9 août, ça se déroule en ce moment, il fallait en parler, se déroulent. Au lendemain de la guerre froide, la communauté internationale parie sur une phase de diminution des stocks d'armes nucléaires, la normalisation des relations entre superpuissances et la signature de traités allant dans ce sens laissaient entrevoir la perspective d'un monde progressivement dénucléarisé, tandis que le spectre d'une destruction mutuelle assurée s'éloignait. Mais depuis 2017, un regain de tension a relancé l'escalade. En janvier 2018, les experts du bulletin Off Atomic Scientists ont ainsi avancé l'horloge de l'apocalypse de 30 secondes pour alerter sur les risques de conflits nucléaires. La première menace vient de l'administration de Donald Trump, toujours lui. Le poids croissant des BRICS avec le développement de la Russie et la puissance commerciale grandissante de la Chine a progressivement redessiné les contours d'un monde multipolaire face à l'essoufflement de leur leadership économique, bien entendu. Les États-Unis, jusque-là habitués à jouer leur rôle autoproclamé de gendarme du monde, pourraient utiliser des armes nucléaires pour réaffirmer leur puissance militaire. Le déploiement de ces armes permettrait aussi de relancer un des moteurs de l'économie américaine, le complexe militaro-industriel. C'est dans cette optique que le Nuclear Post-Review de 2018 a exposé le saut technologique opéré par les entreprises américaines, et l'État pour mettre au point de nouvelles armes nucléaires, plus petites mais tout aussi sales. l'actuel président des États-Unis n'a pas écarté la possibilité de recourir à ces armes, notamment à l'occasion de frappes préventives. Il faudra qu'on nous explique ce que c'est que des frappes préventives. Et les ennemis sont tous désignés. L'Iran, que Donald Trump a poussé dans ses retranchements en faisant voler en éclat à un accord de dénucléarisation historique, pressé par John Bolton, conseiller à la sécurité nationale, est partisan d'une intervention armée contre ce pays. La Russie, qui dans le même temps a modernisé et complété son arsenal nucléaire avec un nouveau missile intercontinental, des drones nucléaires sous-marins, un missile supersonique et une arme laser. Enfin, en dépit des récentes pirouettes diplomatiques des deux dirigeants, qui souffrent sans arrêt le chaud et le froid, faut tout dire, la gestion du dossier du nucléaire iranien par Donald Trump raffermit les volontés nucléaires d'un Kim Jong-un. Et l'annonce de l'arrêt des essais de tir nord-coréen, en partie forcé par l'effondrement de la montagne qui abritait le principal site d'essai. C'est peut-être pas Donald Trump qui est pour quelque chose, hein, c'est surtout le problème de l'effondrement de la montagne. Cela signifie aucunement que Pyongyang renoncera à son programme nucléaire. Augmentation des budgets consacrés à la force de frappe nucléaire, entretien et modernisation des composants navals et aéroportés. Côté français, la loi de programmation militaire récemment approuvée par l'Assemblée nationale et le Sénat va dans le même sens. Avec, j'ajouterai, un coût énorme. Il ne faut pas oublier quand même que la France doit rembourser ses dettes, paraît-il, mais qu'en attendant, on dépense à tout va, y compris dans une loi de programmation militaire, avec comme base le nucléaire. Partout, des pays qui s'étaient engagés à faire décroître leur stock d'armes foulent leur engagement au pied. Traité de non-prolifération, en tête une série de pays violent les textes auxquels ils ont souscrit et continuent de fabriquer des armes nucléaires. Si les stocks d'ogives disponibles ont effectivement fléchi, la puissance cumulée des arsenaux n'a cessé de croître. Et avec elle, les sommes investies par les banques et les entreprises. Eh oui, il faut faire le business. À cause de la menace que constituent leurs voisins nucléarisés, certains pays songent même à se retirer du traité de non-prolifération. Le journaliste Israël Rafalovitch avertit : un proche Orient nucléaire aurait un impact profond sur la sécurité régionale. Il faut envisager la possibilité de voir dans un futur pas si éloigné plusieurs pays décider une sortie collective du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et de poursuivre. L'objectif d'un désarmement nucléaire de la région ne sera pas atteint tant qu'il exclura Israël. Eh oui, on épargne Israël parce que, pour des raisons géopolitiques internationales. Parallèlement, de nouveaux pays se dotent des moyens pour fabriquer des armes atomiques, notamment avec des infrastructures de recherche ou de production nucléaire. Prêtant des intentions bellicistes au guide suprême iranien, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salam, déclarait en mars 2018 que si l'Iran se dotait de la bombe, l'Arabie Saoudite ferait de même, le plus rapidement possible. Concernant la Turquie, elle ne détient pour l'instant pas les capacités de produire des quantités importantes de matières fissiles, utilisables dans le cadre d'un programme militaire. Mais le contrat récemment conclu avec l'entreprise russe Rosatom, on comprend pourquoi que Erdogan a voulu se réconcilier avec les Russes, dans la localité de Akkuyu, lui ouvre une voie royale à la fabrication d'uranium et de plutonium. En Égypte aussi, la tentation nucléaire à usage civil soulève la question de la prolifération. Comme en 1939, le jeu des alliances pourrait précipiter une série de pays dans une guerre généralisée. Et si comme en 1945, son issue était la reconquête du leadership par une superpuissance, le conflit pourrait se solder par un hiver nucléaire. Voilà cet article de Julien Baldassarra. Et donc, il est particulièrement intéressant de regarder un petit peu ce problème de non-prolifération des armes nucléaires. Hein. Et puis là, les tentatives aujourd'hui bellicites de certains États, dont la France, hein, faut le dire. On en parle peu, mais quand même, ça va coûter extrêmement cher ce programme nucléaire. Et c'est quand même un danger d'escalade pour nombre de nations qui voudront se pourvoir de l'arme nucléaire, malgré les interdictions, malgré les traités qui ont été signés. Il y a un coup de projecteur sur l'enjeu du désarmement. Parallèlement, une action a été lancée sur les réseaux sociaux pour interpeller les élus et l'Élysée sur le tien, ce fameux traité de non-prolifération. En plus de mettre les députés et le président face à leurs responsabilités, cette mobilisation a permis de diffuser le matériel de la campagne dans une multitude de villes. Ainsi, les distributeurs de brochures et de cartes postales, par des militants vêtus et des t-shirts aux couleurs de la campagne, ont permis d'augmenter sa visibilité et de sensibiliser les curieux sur le désarmement nucléaire. Voilà ce qui a été fait au niveau du réseau Sortir du nucléaire, parce que le réseau Sortir du nucléaire, bien entendu, n'a pas pour but uniquement de restreindre les déchets nucléaires, d'éviter de les enterrer ou de lutter contre le développement des centrales nucléaires ou simplement de vouloir fermer. Il y a aussi le problème de non-prolifération des armes nucléaires. Je crois qu'on est en pleine actualité en ce moment sur ce traité de non-prolifération qui est de moins en moins respecté alors que des États se sont engagés. Voilà, on va se quitter momentanément sur une pause musicale avec Jean Ferrat, je crois. Merci Cassandra. Enfin le calme, le silence, la nuit se glisse à mes genoux. Est-ce la chouette ou le hibou? Ce cri tendu de fer de lance. Plus rien ne se métamorphose. Ma vie se fige tout à coup. On dirait lorsque je compose que je joue mon dernier atout. L'amour à haute voix. Un papillon cogne à la vitre avec une ardeur obstinée. Une lumière sous le nez et nous voilà faisant le pitre. À chacun sa lampe, sa source, à chacun son maître à danser. Emmène-moi sur ta grande ours, ô mon amour dont je suis né. Chante, chante, chante, chante, chante, chante, chante, chante, chante l'amour à haute voix. Au loin les lumières s'allument, ce papier qui me tend les bras. Chaque fois que je prends la plume, je tremble de peur et de froid. Je vais, j'hésite et je recule. Qui veut se délivrer de moi? Quel est donc ce feu qui me brûle, qui sonne l'heure à ce beffroi? Chante, chante, chante, chante, chante, chante, chante, chante, chante l'amour à haute voix. ses graines sous la treille. Le crayon me glisse des doigts quand ta robe en passant m'éveille. L'amour est comme de la soie. Enfin, jouez à la marelle. Dehors la pluie claque des doigts. Tes lèvres passent en bruit d'ailes. Je n'ai jamais aimé que toi. Chante, chante, chante. Chante, chante, chante. Chante, chante, chante, chante l'amour à haute voix. Chante, chante, chante. Chante, chante, chante. Chante, chante, chante l'amour à haute voix. Chante, chante, chante. Chante, chante, chante. Chante, chante. Eh bien, nous retrouvons ce dossier grâce aux militants de sortir du nucléaire. Voilà, alors, que dire encore ? Il y a beaucoup de choses à dire, parce que là, nous sommes en pleine action aujourd'hui, du 6 au 9 août, et encore aujourd'hui et demain. Il y a des actions, les jeunes actions du 6 au 9 août. Au programme de ces 4 jours, en France, en Allemagne et en Angleterre, il y a projection de films, conférences, ateliers débat, actions de rue, etc. Dans une ambiance conviviale, à coup sûr, les participants les plus courageux achèveront ces 4 jours le ventre vide, mais la tête pleine. Si ces jeunes sont organisés par abolition des armes nucléaires depuis 30 ans, cette année, ils auront une saveur particulière à l'année dernière. Un membre abolition des armes nucléaires reçut le prix Nobel de la paix en ayant favorisé les discussions sur un traité d'interdiction internationale. ICAN a tendu une perche qu'une majorité de pays progressistes a su saisir. Par son travail de lobbying et de diplomatie, ICAN est parvenu à mettre au vote un texte historique. C'est maintenant au tour des citoyens, citoyennes bien sûr, de se mobiliser pour faire que ce traité devienne une réalité. Car sans un mouvement populaire en faveur de la signature du texte, le gouvernement d'Emmanuel Macron choisira toujours de ne pas le signer. Et c'est quand même malheureux que la France ne donne pas le bon exemple sur ce traité de non-prolifération des armes nucléaires. Cette mobilisation est possible. Un sondage datant de juillet 2018 a montré que 67% des Français sont favorables à ce que la France signe le TIAN, ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Et 76% souhaitent que la France s'engage dans un processus international d'élimination totale et contrôlée des armes atomiques, tel que le prévoit l'ONU. Le prix Nobel de la paix est l'aboutissement d'un travail acharné de militants qui, par leur abnégation et leur présence sur le terrain, ont permis de faire évoluer les mentalités concernant la dissuasion. Il vient récompenser le travail accompli en même temps qu'il rappelle les ambitions du mouvement. Mettre concrètement en place cet outil juridiquement contraignant, parce qu'il y a quand même, quand on signe un traité, bien sûr, il y a le côté juridique, pour qu'enfin advienne la norme sans équivoque contre les armes nucléaires que la présidence d'ICAN, Béatrice Finn, appelle de ses voeux lors du discours de remise, bien sûr, du prix Nobel. Voilà, alors, il y a des initiatives en ce moment un peu partout, Paris, Montpellier, Dijon, Brest, Tours, Cherbourg, le Mont-Saint-Michel. Il y a très peu dans l'Est, à part Dijon. Et donc, on en parle peu, bien sûr. Bien sûr, il y a une véritable censure des médias, puis en particulier de la télé, sur ces journées contre la non-prolifération des armes nucléaires, l'interdiction des armes nucléaires. Alors, que prévoit aussi comme action le réseau sortir du nucléaire, eh bien c'est un référendum pour abolir les armes nucléaires, pour que survive la planète, c'est le slogan. Action des citoyens pour le désarmement nucléaire. Nous voulons un monde sans armes, ni centrales nucléaires, mais neuf États nucléaires ont tous boycotté le traité d'interdiction des armes nucléaires. La France, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé le refus catégorique de le signer, le jour même où 122 États non nucléaires l'adoptaient. Dès lors, comment les forcer à désarmer ? Il est possible de contraindre le gouvernement français à en prendre l'initiative par un référendum d'initiative parlementaire et citoyenne posant la question. Quelle question ? Eh bien, approuvez-vous que la France participe à l'abolition des armes nucléaires et radioactives et engage avec l'ensemble des États concernés des négociations visant à établir, ratifier et appliquer un traité d'interdiction et d'élimination complète des armes nucléaires et radioactives sous un contrôle mutuel et international strict et efficace ? Voilà la question qui pourrait être posée par un référendum pour abolir les armes nucléaires. Ce référendum peut avoir lieu à deux conditions. Premièrement, il doit faire l'objet d'une proposition de loi signée par un cinquième des parlementaires, condition qui avait été remplie aux deux tiers sous le président parlement, obtenant 126 signatures de députés et sénateurs en avril 2017, sur les 185 requises. Deuxièmement, il doit obtenir en 9 mois le soutien par voie électronique de 10% des électeurs inscrits. Cette condition est à portée de main. Selon un sondage IFOP-ACDN de mai 2018, 82% des Français de plus de 18 ans seraient prêts à apporter leur soutien à cette proposition de loi. Donc ça pourrait être un référendum d'initiative populaire, parce que je crois qu'il ne faut pas trop compter sur le Parlement actuel, sur les députés actuels, pour contredire Macron. D'après le même sondage, 85% des électeurs répondraient oui à la question posée. Ainsi, le peuple français pourra ouvrir la voie à un monde sans armes nucléaires et radioactives. Chaque citoyen ne peut qu'encourager les députés et sénateurs de sa circonscription ou son département à signer cette proposition de loi référendaire en leur envoyant, après l'avoir demandé à ACDN, c'est l'organisme international, 31 rue du Cormier à Saintes ou par internet à contact@acdn.net. Voilà, si vous êtes partant, et puis je crois quand même que la majorité des Français l'est pour un référendum populaire, il ne faut pas hésiter à signer les pétitions, à demander, ce référendum. Alors, on va reparler du dossier de l'EPR de Flamanville. Alors, je reprécise encore que c'est bien en ce moment que se déroule une campagne internationale en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne sur, justement, ce dossier de sortir du nucléaire, mais surtout d'interdiction des armes nucléaires. Et on reparle du dossier de PR de Flamanville. Alors, le réseau Sortir du nucléaire a édité une bande dessinée, parce que ce fameux feuilleton de l'EPR de Flamanville a débuté il y a bien longtemps, souvenons-nous. Et il ne marche toujours pas, il y a des problèmes de cuves, etc., de fissures dans les cuves. Et puis, il y a le feuilleton, dans le feuilleton, la cuve, disais-je. Sylvain Tronchet, journaliste pour la cellule Investigation de Radio France, et Benjamin Hadès, dessinateurs, se sont emparés de cette question pour la revue dessinée numéro 20, sortie en juin 2018. Ils prétendent dans une enquête en 5 étapes, l'aberration du projet et les décisions le concernant. Les défauts de la cuve, je parle bien de l'EPR de Flamanville, aux conséquences budgétaires de la validation de sa mise en service par l'autorité de sûreté nucléaire, en passant par les motifs historiques, économiques et financiers ayant contribué à ces anomalies et à cette décision, il nous montre avec des dessins d'ambiance comment le lobby nucléaire a traité ce dossier. Et le réseau Sortir du nucléaire, bien sûr, remercie ces deux dessinateurs, journalistes, pour avoir permis de diffuser ici un court extrait dans la revue Sortir du nucléaire, un court extrait de leur travail. Or, bien sûr, c'est pas à la radio qu'on peut présenter cette bande dessinée, hein, sinon à en faire, bien sûr, la promotion. Mais en tout cas, ça vaut vraiment son pesant de bande dessinée, on pourrait dire. Hein. Ça permet quand même de vulgariser en quelque sorte l'opposition à ce fameux EPR qui marche toujours pas, qu'on a même tenté d'exporter et qui marche toujours pas. Et dans les pays où il y a eu l'exportation, il y a des problèmes. Voilà. Alors, le réseau en action sur le dossier de la cuve de l'EPR de Flamanville, il faut en parler également. En 2017, le réseau Sortir du nucléaire avait lancé une pétition adressée au président de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, pour lui demander de ne pas valider cette cuve défectueuse. Près de 40 000 signatures ont été récoltées, mais l'ASN n'en a pas tenu compte. À la suite de l'avis validant l'utilisation de cette cuve défectueuse, le 30 novembre 2017, le réseau Sortir du nucléaire, de concert avec les associations et collectifs CRILAN, Greenpeace France et Stop EPR, ni à Pelly, ni ailleurs, ont déposé un recours devant le Conseil d'État. La complaisance du gendarme du nucléaire envers les industriels n'a que trop duré. Donc, c'est pour ça que le réseau est sorti, enfin ces associations, ces différentes associations, ont utilisé la voie administrative, la juridique administrative, et celle du Conseil d'État. Et cette action est encore en cours d'instruction. Le Conseil d'État se prononcera dans les prochains mois sur la question. Vous pouvez suivre l'avancée de cette démarche, ainsi que celle de nos autres actions juridiques sur le site, bien sûr, de Sortir du nucléaire. Je vous le rappellerai, si j'ai le temps, un peu plus tard. Bon, on va peut-être s'accorder une deuxième pause musicale. Est-elle prête ? Oui, elle est prête. Merci, Cassandra. Ils m'adressent leurs chansonnettes avec au cœur un fol espoir, comme si j'avais le pouvoir de faire d'eux une vedette. De notre métier à facettes, on ne leur montre évidemment que le bon côté des paillettes sous les projecteurs éclatants. On se couche quand ils se lèvent, le monde est beau et souriant, et notre vie n'est plus qu'un rêve. Dans leur tête d'adolescent, l'argent, l'amour, les grands voyages, la gloire acquise à bon marché, toute la panoplie d'usages que dément la réalité. Chantez, ce n'est pas ce qu'on vous proclame. Chantez, il faut s'y jeter à tue-tête, à bras le cœur, à fendre l'âme. Avec un seul point au programme, celui de n'être sûr de rien. Celui de n'être sûr de rien. Avoir une santé de fer, de la chance avec le talent, et cette faculté de faire un sourire en serrant les dents. En écoutant claquer les portes sur votre nez à deux battants, penser le diable les emporte, croire en hiver à son printemps. Pour une vedette miracle, j'en ai tant vu depuis 10 ans, depuis 20 ans encore qui raclent leur guitare dans les beuglants. Leur vie passe par des lueurs d'espoir et de renoncement. On les voit marcher lentement, un verre qui leur ronge le cœur. Chanter, c'est parfois comme un mélodrame. Chanter, face à face avec soi-même, on joue sa vie à qui perd gagne, avec le temps qui vous désarme. Chanter n'est pas faire semblant. Chanter n'est pas faire semblant. Mais si ces propos vous irritent dans leur sombre réalité, vous allez les jeter bien vite et n'en faire qu'à votre idée. Si vous sentez du fond de l'âme et du ventre jusqu'à vos mains brûler cette petite flamme contre laquelle on ne peut rien. Dans l'allégresse ou la démence, vous partirez un beau matin en suivant le chemin d'errance des saltimbanques musiciens. Que vous soyez belle la bohème, que soit clément votre destin, il faut vivre ce que l'on aime en payant le prix qui convient. Chantez, chantez comme on dirait je t'aime. Chantez en allant au bout de soi-même. Chantez comme on lance un sésame face au public qui vous acclame d'avoir le monde dans ses mains. D'avoir le monde dans ses mains. Et ben voilà, c'est Jean Ferrat qu'on a toujours plaisir à retrouver parce que très poétique comme chanson. Et puis, bon, c'est aussi rappeler que Jean Ferrat est mort maintenant depuis de nombreuses années, mais que son œuvre existe toujours. Et puis, de temps en temps, RGM, bien sûr, on aime bien évoquer Jean Ferrat, parce qu'il avait aussi un engagement militant, un engagement politique qui allait dans le sens véritablement de l'égalité, de la fraternité que l'on voudrait voir s'installer un peu plus tous les jours. Alors qu'on arrive peut-être à l'opposé. Alors, je répète quand même que cette émission est enregistrée dans le cadre de l'action du 6 au 9 août concernant, bien sûr, qui est internationale, cette action entre la Grande-Bretagne, la France, etc., pour la non-prolifération, même l'interdiction des armes nucléaires en particulier. Mais il y a aussi des actions par rapport, bien sûr, à l'enterrement des... au fait qu'on enterre des déchets nucléaires on va parler de l'opposition qui s'est invitée à Bar après Bure. Alors qu'est-ce qui s'est passé le samedi 16 juin 2018 parce qu'on en a peu parlé, on en a parlé un petit peu comme ça, mais bien sûr les médias, les grands médias n'en ont pas beaucoup parlé. Il y a eu une grande journée de mobilisation contre le projet de poubelle nucléaire Cigéo qui est organisé à Bar-le-Duc. Hein, puisque Bure, on sait aujourd'hui, c'était l'affrontement entre le pouvoir en place, Cigéo en particulier, qui soutient Cigéo, et puis les militants anti-nucléaires. La préfecture de la Meuse divisée en deux temps, le matin pour réfléchir, l'après-midi pour agir. La journée a vu 3000 personnes affluer de la région, de toute la France et même de l'étranger, pour manifester leur opposition au projet Cigéo et afficher leur soutien à la lutte contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Les participants ont pu se réunir et éprouver différentes formes d'action. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu des préparatifs au hall des brasseries, avec des conférences, etc., et puis les projets pour l'avenir, puisque les opposants au projet Cigéo de Bure ne désarment pas. Hein, on parle peu d'eux, ils ont peu de voix à s'exprimer dans les médias, mais ils sont toujours là. Que dire encore par rapport à ce projet Cigéo? Eh bien, parler quand même de la répression qui a suivi cette opposition qui s'est manifestée face aux forces de l'ordre, face à un pouvoir qui veut soutenir absolument ce projet Cigéo. un projet complètement dément, mais qui continue quand même à être porté par l'actuel gouvernement, y compris par le ministre de l'écologie, enfin le prétendu ministre de l'écologie. 4 jours après la journée de mobilisation, rassemblant 3 000 personnes que je viens d'évoquer, dans les rues de Bar-le-Duc, la vague de répression la plus massive jamais connue en plus de 20 ans de lutte s'est abattue sur les opposants au projet CIGEO. Les perquisitions et arrestations menées par plus de 200 gendarmes dans 14 lieux de vie militants et domiciles d'opposants, dans la maison de la résistance à Bure également. Voilà, alors, bien sûr, là, on prend le fameux projet antiterroriste, etc., enfin, les lois antiterroristes aussi, pour perquisitionner comme bon semble. Hein, on détourne, bien sûr, de leur objet les lois qui ont été votées récemment, en 2017, contre le terrorisme, pour, justement, casser des écologistes et des opposants, en l'occurrence, au projet CIGEO à Bure. Dans la Meuse, en Haute-Marne, en Ardèche et à Paris, le mode opératoire diffère peu. Portes défoncées sans sommation, perquisitions invasives, fouilles corporelles, contrôle d'identité, interpellations, résultats, matériel informatique et effets personnels saisis. 14 personnes arrêtées, interrogées ou gardées à vue, souvent jusqu'à 60 heures. Hein, c'est vraiment là les lois d'exception qu'on rencontre, parce qu'on n'a pas le droit de garder quelqu'un 60 heures en garde à vue. Certaines, entendues dans le cadre d'auditions libres, d'autres comme simples témoins. Officiellement, ce coup de filet se déroulait dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge pour des faits datant de 2017. La suspicion, tenez-vous bien, d'un départ de feu dans l'hôtel-restaurant de l'Andra en juin. Des dégradations commises sur les grilles de l'Écothèque, bâtiment appartenant également à l'Andra, et la manifestation du 15 août, lors de laquelle un militant fut gravement blessé au pied par un tir de grenade. Le désencerclement des forces de l'ordre. Pourtant, les enquêteurs se sont intéressés davantage aux ramifications de la lutte et à son organisation qu'aux faits supposés, puisque de toute façon, il n'y a pas de preuve, et puis bien souvent, c'est des forces spéciales qui sont provocatrices, comme on l'a vu récemment. Hein. On voit un dossier national par rapport à ce problème, des provocateurs qui n'hésitent pas à se faire passer pour des militants écologistes. Donc, Maxime, perquisitionné et interrogé comme témoin, rapporte avoir été principalement cuisiné sur, je cite, « l'organisation, les trains de vie, les financements, les lieux de lutte, les rôles et tâches de chacun ». Donc on n'interroge pas pour savoir qui a pu faire ceci, cela, on interroge véritablement sur l'organisation des écologistes, des opposants CIGEO. Une autre militante fait remarquer que les principaux supports saisis à son domicile étaient les documents du réseau Sortir du nucléaire. Comme pour l'affaire Tarnac, l'État cherche à criminaliser les opposants à l'ordre nucléaire et à fabriquer des suspects, quitte à bafouer les procédures. Dans un communiqué, les anti-CIGEO déplorent que dans ces lieux, les motifs des perquisitions ont été peu ou pas présentés. Les commissions rogatoires n'ont souvent pas été présentées non plus. Parce que là, c'est une obligation. Il ne faut pas oublier que là, bon, on n'est pas tout à fait dans une procédure d'exception. Il n'empêche qu'il y avait des commissions rogatoires qui étaient signées forcément par un juge d'instruction. Mais on n'a jamais présenté ces commissions rogatoires aux suspects arrêtés, enfin aux personnes qui ont été victimes de brimades. Des militants associatifs, des personnes de tous âges, des couples, un avocat, les cibles des enquêteurs laissent perplexes, comme d'ailleurs les faits reprochés, regroupant des éléments flous dans le chef d'inculpation fourre-tout d'associations de malfaiteurs. On y arrive, c'est-à-dire que là, on se sert des textes qui ont été votés par l'Assemblée nationale, par le Parlement, que pour les associations de malfaiteurs. C'est-à-dire que les écologistes, dans l'occurrence, ont été la victime de ces textes d'associations de malfaiteurs. Les enquêteurs reprochent tout et n'importe quoi à certaines militants et qu'ils veulent faire taire. Pire, la validité des saisies réalisées chez l'avocat de certains opposants, il s'agit de Étienne Ambroselli, a été infirmée par le juge des libertés de la détention. Celle-ci rappelant que la saisie indistincte de l'ensemble du matériel informatique utilisé par un avocat dans le cadre de son activité professionnelle portait, je cite, une atteinte injustifiée et démesurée à l'exercice de la profession d'avocat. Alors, il faut quand même se rendre compte que si les avocats sont maintenant perquisitionnés et leur matériel informatique saisi, c'est quand même une première. C'est quelque chose de colossal contre les libertés publiques. L'avocat fut placé en garde à vue avant d'être remis en liberté et placé sous le statut de témoin assisté. Durant la garde à vue, les opposants ont pu constater l'ampleur du dispositif de surveillance déployé contre eux. Filature, écoute téléphonique, balises géolocalisées, etc. À son issue, certains militants se sont vus notifier des interdictions de territoire ou l'interdiction de communiquer avec d'autres personnes. Vous vous rendez compte, je pense qu'on se peut rendre compte à travers ce dossier quand même, de la restriction des libertés publiques qui sont provoquées par certaines lois qui sont détournées, bien sûr, de leur objectif premier, puisque l'objectif premier pour les faire voter, bien sûr, c'est de mettre en avant l'antiterrorisme, les associations de malfaiteurs. Mais en réalité, on s'en sert contre les militants écologistes politiques. Finalement, les faits invoqués ne sont que prétexte pour mettre les pressions sur les opposants. Durant le week-end mobilisation, 6 personnes avaient déjà été interpellées et 2 incarcérées après comparution immédiate. Durant cette semaine, je cite le texte de Sortir du nucléaire, durant cette semaine, la présence militaire entre les villages de Bure et de Mandre-en-Barrois a été constante, s'accompagnant de nombreux contrôles d'identité et fouilles de véhicules. Durant la journée de mobilisation et le week-end du 16 au 17 juin, au moins 19 interpellations ont eu lieu. C'est ce que précise le texte des opposantes donc au projet CIGEO de Bure. Ce coup de force des autorités policières et judiciaires est une nouvelle preuve de la dérive sécuritaire du gouvernement qui traite des militants et des habitants comme des terroristes pour essayer de détourner l'attention des innombrables problèmes posés par CIGEO. Claude Kayser, ancien élu local opposé à CIGEO, dresse un constat lucide. La préfecture nous demande de nous asseoir à la table du dialogue avant le débat public qui doit avoir lieu en septembre. Elle perquisitionne ensuite tout azimut. On a l'impression d'être traités comme des terroristes. Pour nous, le dialogue est rompu. Au contraire de nous décourager, cela ne fait qu'augmenter notre colère. Voilà donc ce qu'il fallait dire par rapport à CIGEO. Et puis la vague de perquisition, arriverai-je à dire, hors norme contre les opposants à ce projet CIGEO. Il faut quand même rappeler que ce projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires, alors qu'il y a des craintes, y compris pour la nappe phréatique, il y a des craintes, y compris en cas de secousse sismique, que sais-je encore, c'était développé lors des missions RGM suffisamment pour que je n'y revienne pas. Ce projet absolument colossal et coûteux d'enfouissement des déchets nucléaires ne peut rencontrer que des oppositions. Malheureusement, bien sûr, le lobby nucléaire et le gouvernement actuel, y compris, bien sûr, le ministre de l'écologie, bien mal nommé, n'hésite pas à employer les grands moyens pour casser les oppositions à ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Voilà ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait rappeler. Alors, quand même parler, pour terminer ce dossier, des nombreuses réactions pour soutenir les opposants malmenés. Parce que là, on a vu quand même qu'à partir du moment où les personnes prenaient des responsabilités, hein, ne serait-ce qu'administratives, pour s'opposer au projet CIGEO, ben, ils sont l'objet d'arrestations, de perquisitions, de saisies de matériel, etc. Dès le 20 juin, de nombreuses voix se sont élevées pour crier leur indignation devant cette répression. Là encore, on peut déplorer quand même que ben, la presse, les médias en général, on en très peu parlé justement de cette indignation. D'abord, on très peu parlé bien sûr des opposants qui ont été malmenés, mais également des réactions pour soutenir ces opposants. La première réaction a été le communiqué commun au réseau Sortir du nucléaire. Bure zone libre, Bure stop 55, Cédras 52, Aodrea, soutenu par 18 organisations nationales et 34 organisations locales, dénonçant les méthodes utilisées et appelant des rassemblements de protestation devant les préfectures de France, le mercredi 27 juin. Donc ces manifestations ont eu lieu, 56 rassemblements de citoyens choqués par les méthodes employées pour réprimer les opposants, les opposantes. Oui, chaque fois j'oublie quand même, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans l'inclusif, et il faut rappeler quand même qu'on doit utiliser le plus possible les termes, mettre les mots au féminin. Nos amis de réseau ont lancé un appel à la solidarité financière. Il leur faut racheter du matériel saisi pour pouvoir continuer à lutter contre les monstres de CIGEO. Il leur faudra également payer les honoraires et les déplacements des avocats et dévoués donc à la cause des opposants à CIGEO. C'est d'ailleurs l'arrestation de l'avocat des militants, militantes, maître Étienne Ambroselli, qui a déclenché l'ire du syndicat des avocats de France et de l'Ordre national des barreaux. 50 avocats ont publié une tribune de soutien rappelant, je cite, qu'un tel procédé porte non seulement atteinte au droit à une défense effective, mais constitue également une gravissime remise en cause du plein exercice de la profession d'avocat. Il dénonce, là encore citation, avec force ces méthodes disproportionnées et choquantes qui foulent aux pieds les libertés fondamentales les plus essentielles. Un collectif d'universitaires et d'artistes dans les colonnes de Libération rappelle qu'aujourd'hui, toute personne solidaire est susceptible de subir la même répression que les militants et que l'on appelle le délit de solidarité, deux notions pourtant incompatibles. Il rappelle également que l'atteinte au droit de la défense est historiquement très rare, qu'elle ne s'observe généralement que dans des contextes de crise extrêmement graves, en particulier de guerre. Ce que je disais, c'est du jamais vu quand même qu'on peut perquisitionner, saisir du matériel chez un avocat. Hein, c'est extrêmement grave, mais on en parle peu parce que on impose un peu le silence aux médias. Mais a-t-on besoin d'opposer ce silence aux médias, sachant bien que, oui, le pouvoir économique qui soutient bien sûr le projet CIGEO est aussi celui qui finance les médias. Par ailleurs, 150 intellectuels, auteurs, chercheurs, artistes, éditeurs, journalistes, avocats, scientifiques, élus ont publié une tribune clamant que si les chouettes et les hiboux de Bure devaient constituer une association de malfaiteurs, ils iraient en enfer. Enfer parti, exigeant l'abandon des poursuites contre les opposants et la fin des opérations d'intimidation, rappelant que la tentative d'isoler et transformer cette lutte collective en association de malfaiteurs dit bien la volonté de l'État de réduire au silence sa résistance contre un projet industriel qu'il cherche à imposer par tous les moyens possibles. Pourtant, loin de réduire au silence, cette opération a montré, par l'ensemble des soutiens reçus, toute l'ampleur que peut prendre le mouvement d'opposition à CIGEO Bure, bien sûr. Voilà, que dire encore par rapport à ça. Le réseau Sortir du nucléaire parle d'EDF et de sa piscine mystérieuse, dans son numéro donc, de l'été, là, en disant que la presse, en février dernier, la presse nationale reprend l'information publiée par Reporter. EDF pense créer une piscine de combustible irradié à Belleville-sur-Loire. On s'éloigne de la Lorraine, hein, de la Haute-Marne, mais on va vers Belleville-sur-Loire. Branle-bas de combat, des journalistes viennent sur place, des élus s'émeuvent de la nouvelle, disent ne pas être au courant. La commission locale d'information se déclare dépitée de ne pas avoir été informée. Le président du conseil régional affirme son désaccord. Deux collectifs de riverains oscillent au projet, se créent. Deux pétitions voient le jour. On voit quand même que l'industrie nucléaire et ses déchets, ça fait beaucoup bouger les gens aujourd'hui, parce que, mais malheureusement, qu'il y a quand même une certaine omerta par rapport aux actions qui sont développées par les antinucléaires. Que s'est-il passé? Le 28 mars, l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire organise une réunion d'ouverture à la société civile sur le sujet. EDF présente son projet et l'IRSN, sa démarche d'expertise, ainsi que le processus menant ou pas à un avis favorable de l'autorité de sûreté nucléaire, puis à une demande d'autorisation de construction de la part d'EDF. L'heureux site élu ne sera connu qu'au moment du dépôt de la DAC. La DAC, alors, c'est l'autorisation pour commencer les travaux. Hein. Je ne sais plus ce que signifie exactement cette abréviation. Alors l'association SDN Berry Génois Puisaye y apprend qu'étant donné la perspective de saturation des capacités d'entreposage de combustible usé, en particulier le fameux MOX, entre 2025 et 2035, EDF a remis au ministre chargé de l'énergie avant le 31 mars 2017 sa stratégie de gestion des capacités d'entreposage de combustible usé issus des réacteurs à eau sous pression. C'est ce qui a été utilisé depuis plus de 40 ans. EDF a également transmis avant le 30 juin 2017 à l'ASN les options techniques et de sécurité relatives à la création de nouvelles capacités d'entreposage. Et voilà, bon, c'était tenu secret jusqu'à une période récente, et là, ça commence à soulever quand même l'ire des opposants, bien sûr, mais aussi des élus qui ont été, comme d'habitude, mis devant le fait accompli. Voilà, alors, on en reparlera, je pense, hein, parce que ce EDF et sa piscine mystérieuse, n'a pas fini de faire couler de l'encre, surtout dans les pays de la Loire, dans le Berry exactement. Voilà, et puis le réseau Sortir du nucléaire, je vais m'arrêter là, a fait tout un recensement prouvant l'âge des réacteurs nucléaires fin 2035. Puisque de toute façon, on est reparti, c'est 600 centrales nucléaires au départ étaient prévues pour durer une trentaine d'années environ, 25-30 ans. Aujourd'hui, on est reparti avec les mêmes centrales. Et l'âge des réacteurs qui seront encore en activité, qui risquent encore d'être en activité fin 2035, fait l'objet d'une carte, un relevé cartographique du réseau Sortir du nucléaire que vous pourrez vous procurer auprès des militants. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.